J'voulais te le dire, thanks. T'es qu'un obstacle dans mon parcours. Banks, où t'étais quand y'avait moins de sous. Caméra dans le plexus. 1 milliard pour qu'un jour j't'excuse. Oui, l'animal est blessé. J'attends ma prochaine proie pour me consoler. L'avenir ici c'est détaillé. Du tag, la qualité, couleur marron. On sort, on repart au placard. Pour les remparts, j'crois que c'est moins marrant. Shaitan te félicite, violence et illicite. Juste un temps que je me range. Si je pars prier pour moi, j'voulais juste prier dans le noir. Qu'est-ce tu ferais pour 1 million d'euros? Ferais-tu la même chose par amour? Juste un mot pour disparaître un jour. Adios. Impossible d'être comme vous. On a galéré en bas de la tour. Tout pour le papier qui tend devenir fou. On a galéré en bas de la tour. Tout pour le papier, va falloir qu'on se barre un jour. J'ai voulu faire un tri, t'es qu'un figurant. Ma mission sur terre est excitante. Pécho la fille du boss, j'ai du cran. Papa t'a pas l'usine, maman fait la cuisine. Grâce à eux que j'suis un homme. Aujourd'hui j'suis en Versace. Ma réussite, j'la dois à ma daronne. Qu'est-ce tu ferais pour 1 million d'euros? Ferais-tu la même chose par amour? Juste un mot pour disparaître un jour. Adios. Impossible d'être comme vous. On a galéré en bas de la tour. Tout pour le papier qui tend à devenir fou. On a galéré en bas de la tour. Tout pour le papier, va falloir.